sérieux qui prend toute ma vie. Oh, fais-toi que je me voie. Ne sentir battre ton cœur d'une amoureuse ardeur, puis mourir enlacé. Dans une même prête, pour cette rapport, pour cette flamme. Oh.